Bonjour et bienvenue à la méditation du matin. Commence par trouver une position confortable, assise ou allongée. Ferme les yeux afin de rentrer à l'intérieur de toi et ferme la bouche afin de ne respirer que par le nez. Les narines filtrent mieux l'air entrant que la bouche et permettent également une respiration plus lente et donc plus sereine. Deviens complètement immobile. La seule chose qui bouge en toi est l'air qui entre et sort de ton corps. Observe ta respiration. Remarque comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort. Sans forcer, tâche de ralentir ta respiration de telle sorte qu'elle devienne comme un doux filet magique qui vient te caresser à l'intérieur en rentrant et sortant de ton corps. Progressivement, le filet d'air devient de plus en plus mince. Ta respiration de plus en plus lente. Pendant la méditation, tu es pris par des pensées, c'est normal et c'est pas grave. Quand tu t'en rends compte, ramène simplement ton attention à la sensation de l'air qui entre et sort de ton corps. Einstein disait la chose suivante. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une, en faisant comme si rien n'était un miracle. L'autre, en faisant comme si tout était un miracle. Le but de la méditation d'aujourd'hui est de se préparer à tout voir aujourd'hui comme un miracle. Les couleurs que nos yeux vont voir. Les bruits que nos oreilles vont entendre. Les goûts que nos palais vont ressentir. C'est un miracle, par exemple, que nos corps fonctionnent comme ils le font. Peut-être que tu as mal quelque part, peut-être même que tu es malade. Mais quoi qu'il en soit, on peut tous remercier la vie d'avoir un corps qui nous a amenés à vivre jusqu'à ce jour. Afin de commencer la journée du bon pied, on va maintenant se concentrer sur 10 affirmations qui t'aideront à passer la meilleure journée possible. Première affirmation. Je m'aime inconditionnellement. J'aime mon corps. J'aime mon esprit. J'aime qui je suis. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour m'aimer complètement. deuxième affirmation. Je n'ai pas besoin de dire de mal des autres ou de moi-même. Je ne juge personne, ni les autres, ni moi. Troisième affirmation. Je ne me laisse pas guider par la peur et je fais des choix courageux. Comme disait le penseur Osho, la peur chasse l'amour et l'amour chasse la peur. Quatrième affirmation. Je formule des intentions, mais je suis flexible et ouvert aux surprises que la vie me réserve. J'essaye de dire oui le plus souvent possible. Cinquième affirmation. Je vais me concentrer pleinement sur chaque chose que je fais aujourd'hui. Je pense à ce que je fais au moment où je le fais. Sixième affirmation. Je vais mieux écouter les gens aujourd'hui et poser plus de questions et moins parler de moi et de mes pensées. Septième affirmation. Je vais boire de l'eau et manger des fruits et des légumes, marcher, prendre les escaliers. Bref, aujourd'hui, je fais du bien à mon corps. Huitième affirmation. J'éprouve de la gratitude pour tout ce qui est bon dans ma vie. Neuvième affirmation. Je cultive la patience et en ce faisant, je cultive également la confiance. Dixième et dernière affirmation. Je donne partout où je vais, que ce soit un sourire, un compliment ou simplement ma pleine attention. Quand tu seras prêt, tu pourras ouvrir doucement les yeux pour sortir progressivement de la méditation. Étire-toi et prends conscience doucement de ce qui t'entoure. La température de la pièce, le poids de tes vêtements sur ton corps, peut-être une odeur. J'espère que cette méditation t'a été bénéfique et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.